temps. On interprète autrement avec le temps. Des rides se dessinent sur le visage, nos rêves se déciment dans le paysage avec le temps. La gamberge, sous perfection, je me perds dans le temps. Amène un métronome, même si ça prend du temps, ils veulent toujours tout mettre aux normes avec le temps. Les amitiés deviennent sincères ou non, mec simple, toujours pas troquer ma punto. Toujours pas envie d'un contrat avec Bruno. Avec le temps, tu découvriras si je t'aime que pour ton coup ou non. Ma belle, me dis, qui suis-je sans ma team, que ferais-je sans mes thunes. Le monde part en sait dessus pendant qu'on convoite à Lexus. Je me rends compte que des mecs sont fâches comme les sables du Pertus. Je veux qu'ils traversent le temps, mais son, je veux qu'ils perdurent. Avec le temps, je me demande si je veux percer. On est libre, égaux, donc nique les nantis, les rentiers. On partira pas d'ici en entier. Je rentre dans le studio, la tête en chantier. Si le savoir est une arme, la plume est armée. Yeah. Dans quelques temps, ils voudront nous mettre une puce sous-cutanée. Le flot te contamine, laisse le poison faire son effet. Ils veulent noyer le poison, donc garde les yeux ouverts, les idées claires. Je te rappe mon amertume sur la caisse claire. Pour ta réussite, combien désespère te convoitise. Aimerais que tu lâches prise pour te prendre ta place, te mettre les doigts dans la prise. Avec le temps et du recul, tu te demandes ce qui t'a pris, qu'est-ce qui t'a retenu, pourquoi t'es pas parti. Avec le temps, on interprète différemment, on comprend mieux les choses. Avec le temps, on voit la sève apparaître sous l'écorce. Avec le temps, une seule chose à dire, garder la force.